Et tout le monde se fait pas de questions jusqu'à ce que je termine. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Là, on va continuer notre cours, toujours sur l'association et toujours sur l'unicité, parce que c'est l'une des bases fondamentales de la religion. C'est la base du dogme du musulman. C'est à partir duquel la personne, le musulman, il a une vision claire sur sa religion, il a une vision claire sur la réalité des choses, il a une vision claire sur tout ce qui est l'au-delà, tout ce qui est l'aisance, tout ce qui est paradis en fer. Tout ce qui est connaissance de son propre créateur, connaissance de ses noms, connaissance de ses attributs, et connaissance qui aboutit à se rapprocher de lui et à l'aimer et à l'adorer. D'accord ? Et donc c'est le point commun entre tous les prophètes, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَعْبُدُونَ. Traduction. Nous avons envoyé et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Point commun. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَعْبُدُونِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَكُّ مِنْهُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Et le tarot, c'est tout ce qui est diable, idole ou autre divinité, tout ce que, quand la personne il dépasse les limites de la vénération, de l'adoration de la vénération de quelqu'un, ça veut dire qu'il a pris comme tarot. Donc tout ce qui est diable, idole, autre divinité, on les appelle, ils sont regroupés sous le nom de tarot, parce que le tarot, ça peut prendre plusieurs formes. Soit une statue, soit une tombe, soit un président, soit une star de télé, soit une association, soit un regroupement bien précis, soit un bon slogan, hein, démocratie, tout ce qui s'en suit. Et donc, Allah a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, éviter tout ce qui est en dehors. Et donc, pour l'importance de l'association, l'importance de connaître l'association, de connaître le tawhid, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est seul l'associateur qui ne va pas avoir la miséricorde d'Allah. Il y a un obstacle entre lui et Allah. Il a coupé le pacte qui est entre lui et Allah, la relation entre lui et Allah. Donc, il n'y a aucun espoir pour lui, pour qu'il rentre au paradis. Aucun espoir pour un associateur. Aucun pour lui qui l'espère ça, ou quelqu'un d'autre qui l'espère pour lui. Hein? Le prophète, le meilleur être humain qui est sur terre. Le meilleur. Qui est-ce qui est la personne qui a plus de droits sur toi? C'est qui? C'est tes parents. Son père. Le plus proche du meilleur sur cette terre. Ah bon? Et sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith rapporté par Muslim? Quand le groupe de Bani Muntafaq, c'était un groupe qui s'appelle Muntafaq, c'est le Wufud, ce qu'on appelle le Wufud. Ils viennent au professeur, ils lui disent au professeur pour qu'il leur apprenne leur religion et tout. Et puis il a dit à une personne, il a dit, mon père et le tien sont en enfer. Voilà. Il est mort associateur, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas ce qu'il intercède auprès de lui. Ils n'auront que le feu le jour dernier. Pourquoi? Parce que le droit d'Allah sur lui, il ne l'a pas fait. Allah, il a créé les cieux, il a assujetti tout pour lui, et lui, il a rompu ce droit, il a rempli ce pacte qui doit être entre lui. Il a crié pour qu'il adore et il ne l'a pas adoré. D'accord ? Donc aucun espoir, aucune intercession. Man as'ad an-nas bi shafa'atika ya Rasulallah, qala man lam yushrik bi, man lam yushrik billah. Hein ? Donc il n'y a pas d'intercession, il n'y a rien, il n'y a aucun espoir pour qu'il rentre au paradis. L'oncle du prophète, il l'a protégé à fond et il a reconnu que c'est la meilleure religion. Il ne rentrera jamais au paradis. Le prophète va intercéder pour apaiser la douleur seulement, pour apaiser le châtiment seulement. Mais Allah il a dit là. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe avec Allah, Allah lui interdit le paradis. ومأواه النار. Et sa demeure, c'est l'enfer. Donc c'est pour ça que c'est la base de la religion, la base du dogme. D'accord ? Et donc c'est le plus grand des péchés et le plus grand des crimes. C'est pas le meurtre qui est le plus grand des crimes. C'est l'association. Et donc tout ce qui se rapproche à l'association est le plus grand dans le châtiment, est le plus grand dans, c'est-à-dire celui, plus la personne dans le péché est proche de l'association, le châtiment il est fort, il est élevé. Et donc le plus grand des crimes, la plus grande injustice, c'est l'association. Et plus en bas, il y a tout ce qui est crime, tout ce qui est fornication, tout ce qui est boire le vin, tout ce qui est... Donc tout ce qui est... Donc, bon. Donc, de ce point de vue, finalement, là, le point commun entre tous les prophètes, c'est l'unicité d'Allah. Et donc tous les prophètes sont des frères et ils ont la même mission et ils ont la même religion. Retenez bien ça. Ils ont la même religion qui s'appelle l'islam. Adam il est musulman, Noah musulman, Hud musulman, Ibrahim musulman, Shu'aib musulman. L'unicité d'Allah et la soumission, ce sont les deux bases de l'islam. Et de ce point de vue, tous les prophètes sont des musulmans. Il y a des différences dans les législations, d'accord. Il y a des différences, chacun il a son milieu, chacun il a, c'est-à-dire des législations qui diffèrent, suivant chaque communauté, certaines législations qui diffèrent. Et pour le professeur Salam, il a été envoyé à tout le monde, il est évident que la législation doit être plus complète et plus grande. Mais l'unicité, il a un point commun entre tous ceux qui l'ont précédé. Tu lis dans Surat Araf, tu lis dans Surat Anbiya, tu lis dans Surat Hud, c'est l'unicité. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ادعوا الله هو نبي اوك point de divinité en dehors de tous point commun. عيسى بن مريم il a dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associé à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Pas d'espoir pour un mouchrik. Retenez bien ça. Vous connaissez l'histoire de la personne, il a tué 99 personnes qu'il a tuées et il a continué jusqu'à tuer le centième. Et puis quand il s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait un acte d'adoration, mais il est allé vers lui. Il dit, moi je vais vers toi pour t'adorer, pour te connaître. Allah il a dit, je le rentre au paradis celui-là. Vous connaissez l'histoire, quand la personne, il est allé, et il a tué 99 personnes. Et puis il est allé voir, on l'a envoyé vers une personne qui est vertueuse et tout, une personne pieuse. Il lui a dit, est-ce que je peux recevoir le repentir d'Allah? Est-ce que Allah peut m'accepter? Je ne peux pas accepter mon repentir parce que j'ai tué 99. Et l'autre, il a dit non, impossible qu'Allah. Parce qu'il était pieux, c'était une personne pieuse et tout, et il adore Allah. Donc, lui, pour lui, même les petits péchés, pour lui, c'est grand. Et même les gens, normalement, qui l'ont envoyé, ne doivent pas l'envoyer à une personne comme ça. Quoi. Donc, il a dit, t'as pas. Et il l'a tué. Il a fini par. Et après, on a envoyé une autre personne, mais cette personne, il est savant, il connaît bien, il a dit, ça va, Allah, il va faire, Allah est tauba alayk, tu recevras tauba. Il n'y a pas la porte de tauba, elle est toujours ouverte. Mais en même temps, il lui a donné le fil, comment pour le tirer. Il a dit, va dans ce village, va dans cet endroit, il y a des gens qui sont bien, va les voir. L'immigration, l'importance de courir pour se rapprocher d'Allah. Si tu sais que tu es dans un état, dans un milieu, tu ne peux pas adorer Allah, alors fuis, viens. Il lui a donné. Il a dit, la porte elle est ouverte, mais en même temps, regarde, comment il a poussé à... Il lui a dit, la porte du repentir, elle est ouverte. Mais va dans cet endroit, va dans ce pays, et les gens sont bien, il faut les... Et lui, le hadith, il dit, ana abi sadri, c'est-à-dire, il a, avec son cœur et âme, il est allé. Il est parti vers la destination, vers l'objectif qui est vers l'objectif, c'est-à-dire le grand objectif, se rapprocher vers son créateur. Et donc il est parti, il est mort. Et il est mort, mais déjà en quittant le village, il est mort. Là où il était, il est mort. Il était déjà loin du pays où il doit atteindre. Et donc là, les anges, ils sont descendus. Il y a des anges de miséricorde, des anges du châtiment. Allah nous a informé qu'il y a des anges, on dit qu'il y a des anges. Allah nous a informé qu'il y a des anges du châtiment, on dit qu'il y a des anges du châtiment. Allah nous a informé qu'il y a des anges de miséricorde, on dit qu'il y a des anges de miséricorde. Information venant d'Allah. Pas d'un philosophe, pas d'un livre, pas de n'importe quoi. Il vient d'Allah. C'est le hadith authentique. Donc, ils ont discuté à propos de lui. Les anges de l'Azab, ils disent, il n'a fait aucun acte cette personne. Et les anges de Rahma, ils disent, il a bougé. Il a bougé vers Allah. Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché. Il a rapproché le trajet entre. La solution, c'était de faire la distance, de mesurer les distances entre le pays qu'il a quitté et le pays qu'il doit atteindre. Et donc, ils ont su. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rapprocher le pays qu'il doit atteindre. Et il est rentré dans la miséricorde d'Allah. Et il est rentré au paradis. D'accord, 99 victimes. Il tue 99 personnes. Et il va vers Allah et dit, j'accepte. Parce que c'est l'association qui est très grave. Qui est le plus grand péché. Tu tues personne, tu fais peut-être même du bien. Peut-être même du bien, tu facilites les choses pour des gens, tu y es bien. Mais tu associes, Allah il n'accepte pas. Il n'accepte pas ça. Toutes les œuvres que tu as faites, il part. Chaque œuvre, elle part pour un associateur. Hein? Il fait une association, il fait des bonnes œuvres, il construit des maisons, il a des abris pour les clochards, il fait ce qu'il fait à la télé, le sponsor, les caisses d'argent pour les pauvres, et il est associateur, il rentre pas au paradis. Retenez bien ça. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tous les œuvres qu'ils ont faites, on les a jetées. Haba, comme de la poussière, jetées. Toutes tes œuvres. 60 ans de travail, 70 ans de bonnes œuvres, 70 ans d'abri pour les gens qui meurent de faim, tu leur donnes la nourriture. Mais tu associes, et ils disent, mon droit sur toi. Oui, mon droit sur toi. L'adoration, tu n'as pas fait, j'accepte pas. J'accepte rien. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كرماد اشتدت في الريح في يوم عاصف. Leurs œuvres, c'est comme des cendres qui a été envoyée par une tempête. Allah, il ressemble l'œuvre de l'associateur comme ça. L'acte annulé. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Révélé à toi, tout comme à ceux qui étaient avant toi, si tu fais des associés, ton œuvre devient vaine. Et tu deviendras certainement parmi les perdants. Vaine ton œuvre. Allah s'adresse au prophète. D'accord. Donc l'œuvre, si tu associes, l'œuvre elle est vaine, elle n'est pas acceptée. Hein? Alors pas question de glorifier des gens. Ah, peut-être lui, il est proche d'Allah parce que il a fait ça, il a fait des abris, il a fait ça, il a donné toute sa fortune pour les pauvres. Il associe. S'il associe, rien n'est accepté. Alors il lui dit, d'accord, moi je suis juste avec toi. Je vais te récompenser ici-bas. Ah, ton nom, il va être resté peut-être dans les livres, dans les journaux, dans la télé. Ah, cette personne, il a été bien, cette personne, il a fait de bonnes œuvres. Mais de l'au-delà, tu n'as rien. D'accord ? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Donc celui qui veut d'ici-bas avec sa beauté, avec sa parure, on va lui donner à sa juste ce qu'il a fait. Ça dépend de ses efforts. Allah lui donne. Il a voulu pour la dunya, je lui donne pour la dunya. Mais dans le delà, il n'aura que le feu. Et toutes ses œuvres seront vaines. Parce qu'il ne les a pas faites pour se rapprocher d'Allah. Hein, ou parce qu'il l'a associé. Les œuvres de ceux qui ont maigri en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Dans un jour de tempête, ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Regardez le style de... Allah dit, les œuvres. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus pour vous montrer. Et donc, Allah il a créé les cieux et la terre en justice, en vérité et tout. Il a posé la justice sur cette terre. Et la plus grande injustice, c'est de ne pas l'adorer. La plus grande injustice, c'est pas de tuer les gens ou de faire des... C'est une injustice. Ça, c'est une injustice. De faire du mal, c'est une injustice. Mais Allah, il dit, la plus grande injustice, c'est que tu l'adores. Ou tu lui associes, parce que tu le touches. Et donc, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, selon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, il était avec le professeur Aslam sur Amman. Les deux, sur Amman. Le maître du monde, Rasul Aslam, avec sa modestie, il y a un homme derrière lui, les deux sur un homme. Et donc il a dit, « Ya Mu'ad, ma haqqullahi ala al-ibad, wa ma haqqul ibadi ala Allah. » Ô Mu'ad, quel est le droit d'Allah sur les gens, et quel est le droit des gens sur Allah. Il a dit, « Allah wa rasuluhu a'la. » Modestie des compagnons. Même s'ils ont un degré du savoir, Mu'ad, il a envoyé au Yémen. « Bahar fil ilm. » Il a un niveau de science élevé. Mais devant le grand maître, devant le maître de l'humanité, parce qu'on le considère qu'il est le maître, et les sahaba sont les maîtres de l'humanité. Pas de philosophes, pas de gens. Hein. Et donc, le maître de l'humanité, il a dit, comme Mu'ad ibn Jabal lui a dit, Allah wa Rasulu A'an. Allah et son prophète. Enfin, Rasul Salam, il a répondu, Haqqullahi. حق العباد أو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur les gens, c'est qu'ils l'adorent et ils n'y associent rien. وحق العباد على الله, et le droit des gens sur Allah, c'est de les rentrer au paradis. Donc c'est ce droit-là, tu le perds. Ne viens pas me dire les droits de l'homme, les grands titres avec les droits de l'homme, on cherche les droits de l'homme, l'homme a des droits, il doit avoir une liberté, il doit... Les gens, ils cherchent les droits, les gens ils sont en train de légiférer ce qui est bon pour eux. Ah mais c'est lui qui les a créés. Il sait chaque cellule de ton corps, chaque cellule comment il agit, chaque gène de cellule qui agit, il est au courant. Toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. N'importe quelle personne, c'est parce qu'il y a dans ton corps ce qui fonctionne dans ton corps. On connaît, avant qu'il décide quelque chose, on sait ce qu'il va décider. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de toi, il sait ce qui est bon pour toi. Donc il connaît tes droits. Tu me rends les droits de l'homme, tu me rentres dans l'obscurité, tu dis tu as des droits, de quel droit j'ai? Tu me rentres dans l'obscurité? Mets-moi dans la lumière et après, fais-moi montrer mes droits. Tu as rompu mon droit, je rends le droit d'Allah, je le perds, et vous me parlez des droits de l'homme. Non, je ne prends pas de vous. Je ne prends pas de vos slogans, de vos titres, liberté, liberté de l'homme, libération de la femme et tout. Mettre les gens dans l'obscurité. Tu me mets dans l'obscurité, tu dis, tu es libre d'agir. Il y a les serpents, il y a les scorpions autour. L'obscurité, tu dis, ah, t'es libre d'agir. La drogue, tout ce qui est des sectes, tout ce qui est fornication, tout ce... obscurité totale. Et tu dis, tu es libre d'agir. Allah huwa li alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah, il est wali, il est le maître des gens croyants. Il les sort des ténèbres vers la lumière. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Et les gens mécréants, leurs alliés, c'est les tawarites, les divinités. Ils prennent différentes sortes, ils prennent différentes, mais ils restent des divinités. Ils les sortent des lumières, de la lumière, et les rentrent dans les ténèbres. La liberté, c'est que tu me libères de l'adoration d'autrui. C'est ça la liberté. Tu me libères de l'injustice des autres religions, des autres doctrines, des autres lois qui ont été l'œuvre du cerveau d'être humain. Moi, ce que je veux, c'est le droit qui a été imposé par Allah. Parce que c'est lui qui me connaît, le plus connaisseur, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre pour moi. Il a assujetti les cieux et la terre pour l'être humain. Donc, finalement, toute cette création, c'est pour l'être humain, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a créé, Allah a créé. Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, entre eux, son commandement, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Pour que vous sachiez, pour que vous le sachiez, pour que vous connaissiez ses attributs, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent. Vous connaissez ses attributs, vous le connaissez. Il a créé ça pour vous, pour le connaître finalement. Et donc, plus tu le connais, plus tu te rapproches de lui, plus tu l'aimes, plus tu connais qu'il est miséricordieux. Alors, personne sur cette terre ne va être miséricordieux qu'Allah envers toi. Donc, Allah, si je l'aime, je me rapproche de lui, il est plus miséricordieux. Parce que je le connais, je connais ses noms et je connais ses attributs. Donc, enlevez de votre... Toujours, je fais ce cours-là parce que le dogme, c'est une base. C'est pour même purifier les idées que vous avez dans la tête. Pas de droit de l'homme, pas de liberté, liberté de femme ou tout ce qui s'ensuit. La liberté de femme, c'est quand elle se couvre. Elle se couvre. Parce que cette peau, elle est chère. La femme dans l'islam, elle vaut cher. Tu veux la voir? Tu veux la voir? Tu payes. Tu vas voir ses parents. Et là, t'es avec elle chez toi. Vous êtes tous les deux, là, elle montre sa beauté devant toi. Elle t'appartient et tu lui appartiens. Hunna libatullah. Wa antum libatullah. Une protection. Elle te protège et tu la protèges. Pas barbouillée de toute crème toute la journée, puis le soir, vers son Dieu. Parce que c'est son Dieu, hein, le PDG de la société. Ils sont bénis pour les autres. Pas pour toi. Donc, ça, c'est finalement. C'est une sorte d'adoration, c'est une sorte de divinité. Les statues qu'elles peuvent prendre. C'est maintenant rentrer là-dedans sur le sujet qui nous concerne. Et donc, ces droits de l'homme et tout ce qui. D'ailleurs, les droits de l'homme, ils étaient imposés quand? C'est après la Révolution française. C'est à partir de la Révolution française qu'on commence à comprendre que les hommes, ils ont des droits. Subhanallah. Alors qu'Allah, depuis qu'il a créé Adam, il lui a donné des droits. Pour travailler dans les usines, on la sort après la révolution industrielle. Pour les beaux yeux de la femme, non pas pour les beaux yeux de la femme. Parce que c'est une main d'œuvre qui est moins chère. Hein? Elle est moins chère. Jamais la femme l'a sortie. On n'a pas sorti la femme comme ça, hein? Parce qu'elle est productive. Elle bosse dans les usines. Adoration, idolâtrie. Elle adore son patron, son chef. Au lieu d'obéir à son mari, suivant Allah, qu'Allah a légiféré, elle obéit à des patrons 5 jours par semaine, métro, bosser jour et nuit, et puis le stress continuel, parce qu'il ne faut pas désobéir à son idole, il ne faut pas obéir à son patron. C'est la même, l'histoire est, elle se répète. Si vous lisez sur l'histoire en ce qui concerne Isa alayhi salam, c'était comme ça. Quand Moussa est venu, Pharaon lui a dit ça va pas. Comment on va te suivre et les gens, et le peuple d'Israël, il est mon esclave, il travaille pour moi. C'est moi qui connais ce qu'il lui faut. C'est moi qui connais sa valeur, c'est moi qui connais d'où viens-tu. Hein? Alors, il a dit, je suis mon, votre Seigneur le plus haut, il a dit. Pharaon, il a dit à Bani Israël. Ils ont cru quand même. Ils ont cru. Ça, c'est le châtiment qui arrive à chaque peuple qui s'éloigne de l'unicité d'Allah. Chaque peuple musulman qui se détourne d'Allah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui arrive? Allah le soumet chez le koufa. Bani Israël, Allah leur a envoyé beaucoup de prophètes. Ils sont détournés du tawhid. Allah a mis Pharaon sur eux. Et ils ont cru qu'il est leur Dieu. Ils l'obéissent et ils sont ses esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils se détournent. La même chose, nous. On s'est éloigné de la voie d'Allah. On manque, nous, on manque de pétrole. On manque de ressources naturelles. Regardez les talents. Nos parents et nous, esclaves. T'as ta maison au bled, tu creuses, ça jaillit du pétrole. Allah il te dit, voilà, je t'ai donné du pétrole. Non, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas, ça appartient aux mécréants. Ils circulent librement comme ils veulent. Et toi, tu bosses, marteau piqueur à 2h du matin. Comme Bani Israël avant. Et quand ils cherchaient, quand Moussa il est venu, ramener le tawhid, l'unicité d'Allah, subhanallah, l'unicité, il est pour les libérer. Voilà les libertés. Pour les libérer. Tout ce qui est à route, liberté. Avec des signes. Allah, il a dit, Allah m'a envoyé avec des signes, avec la révélation. Ils ont dit, non, on ne te suit pas. Même Bani Israël. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Ma urikum illa ma ara. Wa ma ahdikum illa sabila rashad. Je ne vous montre que ce que je vois. Et je ne vous guide que vers la bonne voie. Comparé avec actuellement ce qu'il dit. Ah, la démocratie, il est bien, il est pour les droits de l'homme. Ça ne va pas, le barbarisme, on coupe la main à une personne. Ça ne va pas, ça. Donc, finalement, quand un peuple il se détourne de la voie d'Allah, son sort, il est comme ça. Et quand il suit la voie d'Allah, quand il obéit à Allah, l'unicité totale d'Allah, l'adoration, Allah lui soumet les peuples. Et lui paie les impôts. Allah lui soumet toutes les peuples. Les sahaba, quand ils ont appliqué la ilaha illallah, parole, et pas la ilaha illallah, elle est plus grande, elle est plus lourde que les cieux et la terre, pour qu'elle soit réduite à une prononciation. Elle n'a jamais été une prononciation. L'hypocrite, il l'a dit, il est en dessous du mécréant. Il l'a dit la ilaha illallah. Donc c'est pas une preuve que... Le fait qu'il le prononce, ça indique qu'il est musulman. Mais on attend autre chose. C'est que son cœur réagit devant ce fait. Il est là, crainte, vénération, tout ce que. Et puis acte. Il réagit. Lui, il réagit. Quand ils ont appliqué la parole et acte, les trésors de la Perse, les trésors des Romains, quand ils sont rentrés chez les Perses ou chez Dostum, quand Omar ibn Khattab l'a envoyé, il a envoyé Rabi'i ibn Amr, il est rentré voir le roi, il avait un sabre ou c'est pas une épée comme ça. Et à chaque fois, il y avait des oreillers où il y a des diamants autour, et trucs comme ça. Il les déchirait. Puis il est venu le voir directement. Il dit, nous, on est venu. Tu sais pourquoi on est venu? On est venu libérer les gens de l'adoration de gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Ça va pas. Il a l'habit déchiré. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Mais quand il a appliqué la ilaha illallah, il sait que Allah va lui soumettre Dostum le roi et le peuple. Le peuple, il est soumis, il paye l'impôt aux musulmans. Et puis la majorité se sont convertis, sont rentrés dans l'islam. Donc, application, Allah leur soumet ici-bas, et l'au-delà, ils auront la récompense. Tu te détournes du tawhid, tu te détournes de la ilaha illallah, c'est toi qui te soumets. Hein? يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الخوف أو المهابة من صدور عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية حب وكراهية الموت. Le prophète leur a dit, c'est-à-dire que les communautés, ils risquent de se jeter sur vous. Tadaa, ça veut dire s'inviter, de venir s'inviter pour partager ce pays-là, le colonialisme et tout ce qui s'ensuit. ils ont partagé. Ils ont mis la carte, table rentre et ils partagent le pays musulman. Voilà, toi tu prends un morceau, toi tu prends un morceau, toi tu prends un morceau. D'accord ? Comme un tada al akalatu ila qasa'atiha. Ils s'invitent pour chacun, ils mangent une part du gâteau là, de qasa'a. Qasa'a c'est là où il y a ta'am et tout, couscous. Et chacun il mange, chacun il prend un morceau. Chacun il prend un morceau. Moi je prends cette état, moi je prends cette état, moi je prends cette état. قالوا من قلة اليوم إذن نحن يا رسول الله إسكو نزيتيون إسكو سي باسكو نزيتيون موا نومبرو اللي بل أنتم يوم إذن الكثير à cette époque vous serez très nombreux. Un milliard plus d'un milliard s'ils se réunissent, ils disent la ilaha illallah, rien que le souffle peut-être va brûler les koufars, rien que le souffle de la ilaha illallah. Un milliard, il crache sur un pays, il meurt noyé. Mais كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Tu vois le fleuve quand il passe à la périphérie, il y a les anciennes branches et les feuilles vieilles et tout qui sont emportées par le fleuve, au-dessus du fleuve. Allah il a dit vous êtes comme ça, غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة المقلوب. Allah il va en... qu'est-ce qui un point très important quand on s'éloigne du tawhid, Allah qu'est-ce qu'il enlève? Qu'est-ce qu'il enlève? Le mahaba. C'est-à-dire le fait que les gens ont peur de vous. Parce que le musulman, par nature, quand il se rapproche d'Allah, il a une présence, il a une force, il a une lumière qui fait que le mécréant, il a peur de lui. Il s'éloigne de lui. Et c'est un signe qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit... C'est une priorité, un privilège qu'a donné Allah au prophète sallam. Il a dit nous sommes sur des rois. C'est-à-dire, je gagne, je combats les koufars, par quoi? Par la terreur. Il est nous sommes sur des rois, c'est-à-dire le mécréant, il est loin de moi, une distance de un mois de marche. Et il a peur de moi. Il a la crainte de moi, il a cette peur du musulman. C'est-à-dire Allah lui a donné ce privilège au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que s'il se rapproche d'Allah, le trône des koufars, il est... C'est-à-dire avant que les musulmans combattent les Perses et les Romains, déjà ils savaient les rois. Ils ont senti qu'ils ont eu peur à l'intérieur. À l'époque de Amr al-Khattab al-Qawadustum, il l'a vu dans le rêve. Allah l'a ramené dans le rêve et l'a dit, il va venir un peuple musulman. Il va soumettre ton trône par terre. Et toi, tu vas être soumis à eux. Dans le rêve. Il s'est réveillé en tremblant. Oh le temps. D'accord. Donc plus on applique, plus le cœur est la peur. Et la peur, c'est... La peur, il n'y a pas de médicament contre la peur. Tu manipules un avion, tu es dans un tank, si tu trembles, tu perds le contrôle, les boutons... Tu te contrôles plus, tu te retrouves parmi les musulmans, dans les musulmans, entre. Tu sors comme ça. Nous sortons de roi. Allah, il enlève cette peur qui est dans les mécréants envers vous. Il va l'enlever. Il jette dans votre cœur loin. Loin, et puis ils vont dire, qu'est-ce que ça veut dire loin, ya Rasulallah? Il a dit, l'amour de la dunya. Et le fait de détester la mort. Le fait de détester la mort. C'est ça qui a causé la dunya. Et là, laisse-moi adorer, moi, laisse-moi soumettre sous ces patrons-là, sous ces gens-là, ces directeurs. Oui, ils font de moi ce qu'ils veulent. Mais laisse, je veux manger parce que je ne vais pas trouver à manger si je ne me soumets pas. Où on est dans une situation grave. Et c'est pareil ce qui s'est passé au peuple d'Israël. C'est pareil. Au point que, même quand il est venu, Moussa alayhi salam, avec des signes, avec le bâton qui va jeter, qui va se transformer en serpent, mais plus de ça avec tawhid, unicité. Quelqu'un peut contredire là-dessus? Ils ont dit, même s'il vient plus, mou'idoukoum yawm az-zina. On va se réunir, moi et les sorciers et les gens. Et tous les fils d'Israël vont venir pour voir qui va gagner. Ils cherchent pour voir qui va gagner. Lui vient avec l'unicité d'Allah et ils ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est les sorciers qui vont gagner? Abdul Ibadillah, prophète d'Allah ou est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est lui qui va gagner? Hein? Il cherche encore, il doute. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا سونا الغوات. Je crois que سونا الغوات vote entre les sorciers et Moussa vont choisir les sorciers. Ah oui, parce que eux c'est plus fort et tout. On choisira jamais. On doute. Il ramène Tawhid, l'unicité et on doute. Un peuple d'Israël auquel a été envoyé beaucoup de prophètes, il doute. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis au Koufa. Parce qu'il s'est éloigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Peut-être on va suivre, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Shu'ara ou Surat Al-Qasas. Peut-être on va suivre les sorciers, peut-être qu'ils vont gagner. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. C'est-à-dire ils doutaient. Et pourtant ils doutaient aussi sur déjà Pharaon lui-même est stérile, il n'a pas d'enfant. Et il ne peut pas produire. Il ne peut pas produire, comment il peut créer? Comment il peut produire autre chose? Mais les gens sont aveuglés. À cause, quand ils sont loin de la voie d'Allah, ils sont aveuglés. Ils doutent même de l'islam. Ils disent peut-être l'islam écoute, ne convient pas. Jusqu'à tomber dans la mécréance. Pourquoi ils doutent? Parce que quand ils se noient, la dunya, et puis cette peur, parce que c'est dans l'unicité qu'il y a quoi? La sécurité. Non? Le dialogue entre Ibrahim alayhi salam et les associateurs. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm. Ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé ou qui n'ont pas entaché leur adoration, leur croyance avec l'association. Ce sont eux qui sont dans la sûreté. C'est moi qui est dans la sûreté. Le croyant, c'est celui qui est dans la sûreté. Mais plus tu t'es loin d'Allah, plus tu n'es pas sûr, plus tu es brouillé, plus tu es dans le doute, puis... D'accord? فَأَيُّ الْأَفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ibrahim leur dit. C'est qui parmi nous qui a le plus de droit à la sûreté, si vous connaissez. Moi ou vous, moi je vous dirige vers lui tout seul. Alors c'est moi qui est dans la plus grande sécurité. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans vos divinités. Chaque fois vous accrochez à cette idole, pour il ne vous donne rien du tout. Vous accrochez à l'autre. Peut-être on va essayer le socialisme, on ne trouve pas bon le communisme, peut-être. Bon, on court derrière la démocratie, peut-être il y a une solution dans la démocratie, peut-être. Ah oui, peut-être qu'il y a toujours dans le doute. Toujours brouillé, non, mais dirige-toi vers lui. Il est plus connaisseur de toi, il connaît ta situation. C'est lui qui a géré ta relation entre la terre, ta relation entre lui, entre toi et lui, là, ta relation entre l'homme, là, toi et une autre personne, une législation parfaite. Il sait. Alors pourquoi la juger qu'elle est primitive? La ilaha illallah. Donc j'ai dit la plus grande injustice, c'est finalement l'association. D'accord? Donc une personne qui associe, il est le plus grand injuste, parce qu'il a rompu le pacte entre lui et Allah. Le droit d'Allah sur lui, comment je vais m'attendre du bien de lui? Comment je vais apprendre mes leçons de lui? Comment je vais prendre ma façon de vivre de lui? D'accord? Donc ça, finalement, pour vous faire comprendre l'incidence que doit avoir la croyance, le dogme, sur la vie de l'être humain, sur la vie du musulman. Pour qu'il s'accroche. Il s'accroche. On vit dans une époque qui est grave. Nos parents, ils ont été traînés par ces coupards-là. Donc, il ne faut pas qu'on les suit comme eux, ils ont suivi leurs ancêtres. Comme Bani Israël, ils l'ont fait, comme beaucoup de peuples l'ont fait. Donc, on doit s'accrocher à Aqidatan, au moins dans le cœur. Ce dévouement exclusif d'Allah et que de l'aimer et ceux qui ont une place avec Allah, il ne faut pas les laisser. Ouais, le comportement diffère, leur faire da'wah, oui, c'est bon, se comporter envers eux, bien sûr, se comporter dans le bien sûr, pour ne pas qu'ils disent qu'il est un mauvais musulman ou qu'il touche le musulman maintenant parce qu'il juge l'islam à partir des gens. Quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis l'islam, il va te dire regardez où est-ce que vous vivez. Le malheur total. D'accord? Donc le comportement est une chose, mais l'amour c'est autre chose. On a parlé de l'association dans l'amour et tout. Je rentre dans ce sujet. J'ai fait exprès cette introduction pour ce sujet en ce qui concerne l'association dans l'obéissance. Et j'ai parlé du Pharaon et tout parce que ça a un rapport. J'ai dit grand titre, petit D, l'association relative à l'obéissance. Quand on a parlé de l'association dans l'olouria, c'est-à-dire dans l'adoration, on a fait petit A, association dans l'invocation, le fait d'invoquer autre chose, une statue, une tombe ou quoi que ce soit. L'association dans l'intention, le fait de faire un acte, mais est-ce que cet acte, tu le fais pour Allah ou pour autrui, c'est-à-dire l'intention. Et là, on a dit qu'il y a la grande association Shirk Akbar et Shirk Asghar. Shirk Asghar, ça veut dire, par exemple, le fait de faire une œuvre pour Allah, comme la salat pour Allah, mais de l'embellir parce qu'il y a des gens autour de toi. Ça, c'est touché par rien, le désir de se faire l'ostentation. Et ça entache l'association, ça entache l'unicité sans sortir la personne de l'islam au sens. C'est-à-dire que son œuvre, elle peut être entachée, diminuée, jusqu'à s'annuler. D'accord. Donc ça c'est la petite association, et pour ça on a dit que l'association dans ma communauté, elle est plus imperceptible que les pattes d'une fourmi sur les pattes d'une fourmi sur une ternisse. Arsamin Dabi bin Nam, donc à la personne de lutter contre continuellement de s'éloigner, d'éviter l'association. D'accord, parce qu'Allah pardonne tout sauf l'association. Et donc le pire de l'association, comme c'est celui des négationnistes, ceux qui ont nié l'existence d'Allah, bien dans leur cœur finalement, ils confirment. Pharaon, l'exemple. Pharaon, il a dit, je ne connais aucune divinité à part moi. Et il a dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Et pourtant Allah, il a dévoilé ce qu'il y a dans son cœur à partir de Moussa alayhi salam. Il a dit, tu connais que celui-là qui est Allah, l'unique qui a descendu ses signes, et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tu es à l'intérieur de toi, tu le connais. Dans leur cœur, ils confirmaient que vraiment il est unique, il savait. Mais il nie, il renie, il ne veut pas. À cause de sa passion, parce qu'il y a un peuple qui l'aime. Ben Israël, il travaille, et puis les fleuves, les affaires marchent, et l'argent, il rentre et tout, et c'est gonflé. Donc c'est du côté des négationnistes, ceux qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, moi je vais vous toucher dans une chose, c'est-à-dire, quand je dis négationniste, parce que même dans les sectes musulmanes, ceux qui nient certains attributs, Ibn al-Qayyim et beaucoup de ulama, ils les mettent dans ce genre de shirk. D'accord. Il y a les athées qui nient l'existence d'Allah. Mais il y a d'autres qui disent musulmans et qui nient quoi? Ils nient les attributs d'Allah. Et l'exemple de ces attributs. D'accord. Ils ne le nient pas totalement. Mais ils disent qu'il n'a pas de main, il n'a pas de yeux. Alors que Allah, il nous a dit qu'il a. Allah, il nous a dit qu'il a des mains. Allah, il nous a dit qu'il rit. Allah, il nous a dit qu'il s'étend. Allah, il nous a dit qu'il se met en colère. Allah, il nous a dit qu'il... Eux, ils disent non, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Et donc, ils sont tombés dans une ambiguïté que les plus grands ulama de ce secte-là, ils ont... C'est-à-dire, après, ils se sont repentis parce qu'ils sont tombés dans une ambiguïté grave que Ibn Taymiyyah a dévoilé. Il leur a dit, bon, écoutez, pouvez-vous m'expliquer? Vous dites Allah, il n'est pas au-dessus du trône. Ils disent non, Allah, il n'est pas au-dessus. Il n'est pas en bas. Il n'est pas à droite. Il n'est pas à gauche. Il n'est pas à l'intérieur du monde. Il n'est pas à l'extérieur du monde. Donc, le néant, est-ce que vous pouvez l'expliquer autrement? Le néant, il n'est pas au-dessus. Il n'est pas en bas. Il n'est pas à droite. Il n'est pas à gauche. Donc, il n'existe pas. Donc, par leurs paroles, ils ont coïncidé les athées. Ils adorent le néant. Au-dessus du trône, le premier ciel, le deuxième, et au-dessus du septième ciel, il y a quoi? Il y a le trône. Au-dessus du trône, il n'y a rien. Vous adorez quoi? Vous adorez quoi? Lui, il a dit qu'il est au-dessus du trône. Donc, ils ont nié certaines attributs. Et donc, ils font partie de ce qu'on appelle les négationnistes, C'est-à-dire, on les met, eux et les athées, dans le même panier. Parce qu'ils sont en train d'adorer un néant. Il n'est pas ça. Allah, il s'étonne. Non, vite pas. Il désespère et Allah, il s'étonne. Pourquoi? Parce qu'il sait que leur délivrance va être proche, qu'il va les faire entrer au paradis en fin de compte. Il souffre dans l'adoration et tout. Allah, il s'étonne. D'accord. Donc ça, c'est entre guillemets. J'en suis où? J'ai dit qu'il y a quatre types d'associations. En ce qui concerne l'association dans l'Ouloria, il y a l'association dans l'invocation, parce que l'adoration c'est l'invocation, hein. L'adoration c'est l'invocation. Et le prophète sallam il a dit ça, hadith, l'adoration c'est l'invocation. Il l'a dit alors qu'il était sur le manbar de hadith de Na'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. Donc, l'association dans l'invocation, le fait d'invoquer des temples, des walis, des shuyukh, des imams, que ce soit. L'association dans l'intention, le fait, cet acte, est-ce que tu le fais pour Allah ou tu le fais pour autrui? L'association dans l'amour qui est le pilier, la base de notre religion, la base de l'unicité, c'est l'amour. D'accord? L'amour propre, l'amour pur. Parce que déjà, je dis toujours et je le redis parce que c'est très important, ilah, ça veut dire ma'lo, ça veut dire l'adorer. Et walaha, c'est-à-dire ahabba. Aliha, c'est-à-dire ahabba. Et le wala, c'est le sommet de l'amour. Hein? Donc c'est nous qui aimons Allah. C'est pas les chrétiens ou les autres religions. Ils prétendent aimer Allah, mais ils n'aiment pas. Qalat al-Yahoud wa al-Nasara, nahnu abna'ullahi wa ahibba'a. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les enfants d'Allah et ses amoureux. Allah a dit, qu'il lima yu'adzibukum bidhunubikum. Qu'il lima yu'adzibukum bidhunubikum. Bel antum basharum mimman khalaq. Pourquoi elle vous châtie à cause de vos péchés? Si vous l'aimez, vous ne ferez pas de péché. Si vous l'aimez, vous n'adorez pas d'autres. Si vous l'aimez, vous ne faites pas la tête du taureau et vous l'adorez, l'aigle, ou vous adorez les statues. Non, ça, ce n'est pas un amour. Parce que le fait de l'aimer, c'est suivre son prophète. C'est l'adorer et l'adorer comme il veut, lui. Ça, c'est l'amour. C'est l'adorer comme il veut, lui. Il est normal. Et donc, dans l'amour, association dans l'amour. On a, dans chaque titre, dans chaque sous-titre du grand titre, l'association, on a sorti des preuves dans le Coran, dans la Sunna. Maintenant, petit dé, association relative à l'obéissance. Et ça, c'est un sujet assez délicat. Donc, je dis quand une personne atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est en vérité, il doit s'engager à suivre le prophète. Du moment où il dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », ça veut dire que je le suis dans tout ce qu'il a fait. C'est un engagement, c'est un pacte, c'est un engagement. D'accord? Reste dans cet engagement que tu fais des péchés, que tu lui désobéis ou quoi que ce soit. Du moment où tu ne touches pas à l'association, Allah il pardonne. C'est pour ça qu'il s'est appelé, il s'est appelé Rahim. Et il est miséricordieux. Donc, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, comment le suivre? Comment suivre le prophète? À croire à tout ce dont il nous a informé. Tasbir, total. Il nous a informé qu'il y a des anges. Il nous a informé de l'au-delà. Il nous a informé de ça. Il nous a informé de ça. Donc, on doit, c'est-à-dire, confirmer tout ce qu'il a dit. On doit croire à tout ce qu'il a dit. On doit juger que tout ce qu'il a dit est véridique. D'accord? Même si des fois elle contredit ta tête, elle doit être au-dessous de ton cerveau, elle doit être au-dessous du texte. C'est pas parce que tu as acquis des certaines sciences de philosophie, de chimie, de physique nucléaire, et tout, puis qu'est-ce qui se passe quand tu arrives? Le texte, il contredit ta tête, tu dis non, je refuse. Ça, c'est l'orgueil, hein. Quand on leur dit la ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil. Dans un verset, quand ils évoquent Allah le seul, leur cœur se resserre, ça peut être l'acrolome. Et quand tu évoques Allah avec d'autres divinités ou d'autres créatures, là ils se réjouissent. Il ne faut pas dire Allah tout seul, non, dire Allah est socialisme, Allah est ça, Allah est ça, Allah est Marx, Allah est Lénine. Là il est content. Mais tu le dis tout seul, là. tout dans le Coran. Tout. Tout est dans le Coran. Premièrement, croire à tout ce dont il nous a informé. Deuxièmement, à s'appliquer à l'obéir. D'accord ? Faire ce qu'il nous a demandé de faire et d'éviter ce qu'il nous a demandé d'éviter en se soumettant intérieurement et extérieurement. Très important. Soumission intérieure et extérieure. Soumettre par l'acte, mais le cœur aussi. Pas tu vas te soumettre par l'acte et puis le cœur, il va vers autre oui ou pas. Tu te soumets, tu montres que tu te soumets intérieurement, c'est pour avoir un poste pour que les gens voient que tu es. Par exemple, quand tu donnes le monde, pour que les gens disent de toi que tu génères quoi que ce soit, voilà. Ça, c'est pas une soumission, parce que c'est pas une soumission intérieure. Tu te soumets pas intérieur à Allah, tu te soumets intérieurement aux autres. Pour avoir un poste, une célébrité, pour qu'il marque ton nom dans les journaux ou quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Là, ça c'est le début. J'obéis, je confirme, je... Reste à faire l'acte, reste à faire l'effort, reste à ce que tu, des fois tu sois fainéant, non. Mais au début, c'est comme ça. Sami'na wa ata'na. Allah l'a dit, sami'na wa ata'na. Là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé ni contrariété pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ça c'est l'islam. Quand quelqu'un vous dit ce que ça veut dire l'islam, vous lui sortez des versets comme ça. إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Des petits versets comme ça. Alors, je rencontre des jeunes comme ça des années et des années dans l'islam. Je suis musulman. Explique-moi l'islam. Il ne peut pas. Pourquoi Allah il a envoyé les prophètes? Il commence à philosopher. Parce que pourquoi il n'a pas pris, comme il doit faire l'unicité d'Allah dans l'adoration, même dans ce qu'il doit recevoir, c'est il doit le recevoir d'Allah. Le Coran, la Sunna. Mais toi, tu t'es engagé dans des livres de philosophie, dans des livres. Des fois, tu es embelli par le titre, le génie de l'islam. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce titre? Il est beau. Et puis à l'intérieur, c'est de l'arsenic, c'est du poison. C'est un gâteau. Il est à l'intérieur du poison. Et ça t'empoisonne le cœur. Et tu comprends même pas, finalement, tu te trouves sans base. Sans base. Tu comprends même pas pourquoi Allah il a envoyé le prophète, pourquoi Allah il a créé les êtres humains, pourquoi ça, pourquoi. Des questions simples, tu le trouves coincé là-dessus. D'accord. Donc, il faut toujours se baser sur le Coran et la Sunna et faire l'effort sur, c'est-à-dire faire l'effort sur le Coran et la Sunna, pas faire l'effort sur d'autres choses. Quand on sera à la hauteur des grands ulama, on peut avoir une lumière sur différents livres. Là, on peut toucher aux autres livres. Ibn Taymiyyah, quand il avait une base dans l'aqida, une base dans le fiqh et tout, là, il s'est engagé dans la philosophie pour répondre aux philosophes. Parce qu'il ouvrait leur bouche beaucoup, et puis propageait leur poison, alors lui, il a été obligé de leur répondre, pour barrer le chemin. J'ai dit, sur le verset, je répète le verset, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle contrariété pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. Verset 65, sourate 4. Ibn Kathir a dit dans son explication de ce verset, suivez-moi bien, Ibn Kathir a dit dans son explication de ce verset, Allah exalté, subhanahu wa ta'ala, jure par sa propre personne noble et sacrée que nul n'est un vrai croyant s'il ne prend pas le messager sallallahu alayhi wa sallam pour juge dans toutes les affaires. La sentence du messager est le bon droit qu'on doit suivre apparemment et intérieurement. C'est pour cela qu'il a dit qu'ils n'auront éprouvé nulle contrariété pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement, c'est-à-dire totalement, sans refus, sans opposition, sans discussion. C'est tafsir de Ibn Kathir de ce verset-là, donc soumission totale. D'accord ? Donc, en effet, celui qui ne prend pas pour juge, comme juge Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et préfère les opinions et les passions décrétées par les hommes, telles tous les doctrines communisme, tout ce qui s'en suit, démocratie, socialisme et tout, et il préfère ces passions décrétées par les hommes au Coran et à la Sunna authentique, ou bien accuse la religion d'être conservatrice, ou que ses lois sont sévères, comme le fait de couper la main au voleur, celui-là, en vérité, a sous-estimé son propre créateur en prétendant que les hommes sont plus justes et plus miséricordieux envers les créatures que celui qui les a proprement créées. C'est clair ? C'est clair. Donc, aussi, quiconque agit-il ainsi a égalé les hommes au Seigneur de l'univers. Celui qui dit que les lois d'autres, oui, sont mieux, les sont aussi bien et tout, alors celui-là, il a associé dans quoi ? Dans l'obéissance. Il n'a pas associé dans la création, il n'a pas dit que ces gens-là qui sortent ces doctrines, ces régimes et tout, ils sont égaux à Allah, ils créent avec Allah. Non, lui dit, Allah, il crée. Mais il les a égalés avec Allah dans l'obéissance, dans un attribut qui n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, ou bien aurait-il des associés qui auraient légiféré pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises, les injustes. Ça continue du verset, les injustes auront certes un châtiment douloureux. Amelahum suraka, sharaulahum minad din ma lam ya'zan billah. Aurait-il des associés qui leur ont légiféré ces couleurs de la religion, ce qu'Allah n'a pas permis? Allah n'a pas permis qu'il légifère des lois, parce que c'est lui qui a légiféré, c'est lui le plus connaisseur, et c'est lui en plus le plus miséricordieux, parce qu'il dit, tu suis mes lois, non plus tu auras une vie meilleure ici, mais dans l'au-delà tu auras une vie meilleure. Et ça, c'est pas la peine, par expérience, chacun l'a su. Que le fait de suivre les lois des autres, de suivre leur régime, de suivre leur voie, parce que dans le régime, il y a la vie quotidienne de la suite. C'est souffrance sur souffrance. Ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés de la voie d'Allah. Allah, il les a créés pour l'adorer. Et eux, ils sont détournés. Donc, ils restent toujours dans la souffrance. Celui qui se détourne de ma voie, il aura une vie vraiment pleine de gêne. L'imam Shamkhiti a dit, là c'est... Bon, ça va, c'est dit jusqu'ici, ça va? C'est un peu fort, mais... L'imam Shamkhiti a dit, quand Satan a inspiré, ça c'est... Shamkhiti, c'est celui qui a fait le livre de Adwa al-Bayan, et il a fait l'exégèse du Coran. Il a expliqué le Coran, mais Adwa al-Bayan, c'est-à-dire le Coran et le Coran. C'est-à-dire qu'il explique un verset du Coran par un autre verset. Parce qu'il y a des versets qui expliquent d'autres versets. Comme la Sunna, il explique des versets. Et la Sunna, il explique la Sunna. Tu trouves dans un hadith, un autre hadith qui l'explique. D'accord ? L'imam Shamkhiti a dit, quand Satan a inspiré au mécréant de la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander au prophète à propos de la bête qu'on trouve morte, qui l'a tuée. Donc là, c'est pour montrer que, pour dire qu'ils ont droit de légiférer et tout. Bon, ils sont allés voir le prophète, mais ils ont dit, bon, il y a la bête par exemple qu'on trouve morte le matin. Qui l'a tuée? Qui l'a tuée finalement? C'est Allah. Allah, il a décidé qu'elle soit morte. Il l'a décidé. Et le prophète, il a répondu, il a dit, c'est Allah qui l'a tuée. C'est Allah qui a décidé qu'elle soit morte. Et là, Shaitan, il leur a inspiré autre chose. Il a dit, regarde, c'est un comment il... Il leur a inspiré de dire, les mouchriquines, ils ont dit au prophète, ce que vous égorgez de vos propres mains est licite. La bête qu'on vous l'égorgez, vous dites, bismillah et tout, elle est licite, elle est halal. Est-ce qu'égorge Allah de sa bonne main, vous l'avez rendu illicite, vous êtes donc mieux qu'Allah. Le raisonnement. Vous dites que vous égorgez, quand vous égorgez la bête, vous dites bismillah, c'est toi qui l'as égorgée. Tu la rends halal. Et la bête qu'Allah a tuée, tu la rends haram, ça ne va pas. Vous savez, comment ils ont la logique à partir de laquelle ils sont entrés. Il dit, voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit, vous avez saisi? C'est-à-dire que les تذبحون أنتم بأيديكم فهي حلال والتي يذبحها الله بيده الكريمة تحرمنا إذن أنتم أحسن من الله donc vous êtes mieux que Allah parce que ce que vous égorgez de votre propre main vous le rendez illicite et ce qu'égorge Allah de sa propre main vous le rendez illicite vous êtes donc mieux que Allah et Allah qu'est-ce qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous si vous leur obéissez vous deviendrez certes des associateurs. Si vous les obéissez dans ça, vous êtes des associateurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que eux ils ont légiféré le fait de manger le mort, sans qu'il soit égorgé. Donc ils ont légiféré une loi. Allah il a dit, si vous les obéissez, vous avez associé ces gens-là avec Allah. D'accord? Parce que pourquoi Allah il a décidé comme ça? Obéissance totale. Cherchez pourquoi, avec leur logique, logique ou pas logique, nous on se soumet. On jette cette logique-là. Cette logique-là, on la jette. Parce qu'Allah, il a décidé que ça soit comme ça, et il est comme ça. Il nous donne la raison. S'il nous a donné la logique de cette chose, la raison, on l'apprend. Il ne nous a pas donné. Allah, Ahkam al-Hakim, il est le plus grand des sages. Il est plus sage que les mécréants, il est plus sage que n'importe qui. Donc Allah, il connaît, il sait, donc il a légiféré ça, on doit se soumettre. Donc le fait de les obéir dans ça, ça pousse la personne à être associateur. D'accord? Donc finalement, je continue l'explication de l'imam Shankhete, il a dit, il s'agit d'un serment par lequel Allah a juré dans ce verset, وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Il s'agit d'un serment dans le verset en français. Vous sentez pas que c'est un serment, hein, d'accord? Qu'Allah jure. Ça c'est la défaillance de la langue française. Parce que même en cherchant dans tous les livres de traduction, j'arrive pas à toucher le serment dans le verset. Parce qu'en arabe tu le connais. وإن الشياطين لا يوحون le لام La yuhun, l'âme, le lam chez les Arabes, comme dans la langue arabe pure, le lam on appelle lam al-qasam, le lam du serment. Donc ce lam-là, il n'existe pas en français, donc de toute façon, dans le verset, il y a le serment. Il s'agit d'un serment par lequel Allah a juré dans ce verset que quiconque obéit à Satan, on a le droit de continuer le cours alors que le mu'adzin est plus adhan. On a le droit. Il s'agit d'un serment par lequel Allah a juré dans ce verset que quiconque obéit à Satan dans ce qu'il a légiféré en rendant le licite le mort est associateur. Et c'est un grand shirk, grande association, qui excommunie celui qui le commet. Et les musulmans, les savants musulmans sont unanimes là-dessus. Donc celui qui obéit, les gens qui légifèrent des lois en dehors d'Allah, reste le détail, hein, bien sûr. Bien sûr, celui qui va manger le mort, il dit, moi, c'est pas parce que moi, je crois qu'Allah, il a légiféré qu'on mange la bête qui est égorgée. Mais j'ai mangé par passion. Ou parce que j'ai faim, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé la viande et que j'étais dans un endroit où on n'égorge pas, bon, j'ai mangé. Tout en confirmant intérieurement que c'est Allah, Allah, il a interdit ça. Ça, ils ne sont pas parmi les associateurs. Mais celui qui dit, non, ils ont le droit de légiférer ça. Ah, ils ont, c'est mieux, c'est bien de donner des lois qui sont contraires à Allah. Celui-là, même s'il commet rien du tout, il est associateur. C'est-à-dire celui-là qui dit, ils ont le droit d'autoriser la viande morte, du mort, de la bête morte, même s'il ne mange pas. Même s'il ne la mange pas, il est associateur. Parce qu'il a intérieurement, il s'est soumis intérieurement aux associateurs. Tu sais la différence? De toute façon, le reste du cours va expliciter, parce que c'est un sujet assez délicat, et puis la personne, quand on parle de l'association dans l'obéissance, bien sûr, il va toujours ramener le milieu où il vit, dans le truc, comment il doit obéir aux mécréants dans des lois différentes, grâce à savoir est-ce que ces lois sont contradictoires avec les lois d'islam et tout. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il renie par le cœur, mais quand il est dans, il y a la contrainte, il y a autre chose. D'accord? moi, je vous donne ça, c'est pour comprendre et pour connaître toutes les différentes sortes d'associations. Je continue où... Vous êtes fatigué, non? Je confirme que le fait d'obéir quelqu'un qui légifère des lois autres qu'Allah et que tu lui soutiennes, ça c'est en ce qui concerne les gens qui les soutiennent et qui veulent que cette personne soit au-dessus des autres et que l'islam soit rejeté. C'est ça les associateurs. Bon, le hadith, il est là. C'est le hadith de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, il rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset. Ils ont pris, regardez, suivez-moi bien, concentrez-vous là, et puis après on va en finir. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a demandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, et il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Le style là, au passé, c'est pas le passé. Parce que ça, le verset, il est valable jusqu'à... Il est valable, ce verset. Allah, quand il parle, c'est-à-dire le verset, il obéit pas seulement à l'espace et tout, au temps, à un certain temps. À l'époque du prophète, non, il est valable devant tout, hein. Il y a des gens qui prennent le rabbin et tout. D'ailleurs, c'est eux qui sont les maîtres. Dans le hadith, Ibn Hatim, il a dit, nous ne les adorons pas. Il a dit au prophète, quand il a entendu ce verset, il a dit, nous ne les adorons pas. Parce que, peut-être, entre parenthèses, il a cru que le fait d'adoration, c'est qu'ils se sont prosternés ou quelque chose comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah rend illicite? Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'auront-ils pas licite ce qu'Allah interdit? Et vous le rendez licite? Allez, se chalou lakum al-haram fa tuhilluna wa harrimuna alaykum al-halala fa tuhilluna. Allez, se chalou lakum al-haram fa tuhilluna wa harrimuna lakum al-halala fa tuhilluna. C'est-à-dire, ils rendent licite ce qui est illicite et vous les suivez, vous les obéissez. Hein? N'interdisent-ils pas ce qu'Allah rend illicite et vous vous l'interdisez et ne rendent-ils pas licite ce qu'Allah interdit et vous le rendez licite? Il a dit si. Il a répondu, il a dit oui. Et le prophète, il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. C'est comme ça que vous les adorez. Ça, c'est une adoration. Ils vous ont autorisé des choses. Ils vous ont, par exemple, que le cochon, il a été interdit. Ils l'ont autorisé. Et vous les avez suivis. Dans la législation de Isa alayhi salam, le cochon il a été interdit dans toutes les religions. Ça, vous devez le connaître. C'est pour ça que les moines et les rabbins, c'est... Ouais. 320, ils confirment que le cochon est mauvais. Regardez ce qu'il dit à son enfant quand il fait quelque chose de mauvais. Il dit cochon. Intérieurement, il le sait. Et donc, finalement, cela le rend légiféré, ça. Le rend légiféré, autorisé le cochon, ils ont accepté. L'obéissance, c'est une association. Tout comme la circoncision. Isa alayhi salam, il était circoncis. Eux, ils ont interdit. Si vous lisez l'histoire ancienne de Constantinople, les innovations qui ont été, et comment la croix a été innovée et tout ça, vous allez comprendre. Parce qu'à une époque, on déshabillait les enfants pour voir est-ce qu'ils sont circoncis ou quoi. Parce qu'ils ont légiféré des lois et ils imposaient ces lois-là. Donc, le fait de les obéir dans la désobéissance d'Allah, c'est une association. Et donc, preuve ce hadith-là et ce verset du Coran. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi sur le numéro de 3095. Les hadiths sont numérotés. Et Al-Bayhaqi, dans le volume 10, page 116. Les mêmes sont traités. Celui qui a fait l'explication du verset dont on a parlé, il dit dans l'exégèse de ce verset ainsi que du hadith précédent, c'est-à-dire le verset du Coran, ils ont pris le rabbin et leur moine ainsi que le Messie fils de Marie comme Seigneur, et le hadith, nous ne les adorons pas, il a dit, ils rendent licite, vous les avez ici, ça c'est une adoration. Donc l'imam Chantraité dit, cette exégèse prophétique consiste à dire que quiconque suit des législations dans ce qu'ils ont interdit et ce qu'ils ont rendu illicite, sachant que c'est contraire à la législation d'Allah, sachant que c'est contraire à la... Le feu rouge et tout ça, c'est pas contraire à la loi d'Allah. Non. C'est une chose de la vie où la personne doit utiliser, il a un cerveau, il doit utiliser pour ne pas que les accidents, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est surtout des lois comme ça, où il y a des textes stricts, où les ulamas sont unanimes. Celui qui les change, ça c'est grave. Mais il y a des choses, le champ est libre dans ce qui est de la vie. Hein? Parce que finalement, Allah, il n'a pas interdit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il interdit ? قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. Qu'est-ce que Allah a interdit ? Le mort, le sang et le cochon. Et l'alcool. Et pour tout le reste, il est autorisé. Maintenant, tout ce qui est interdit, il l'agrandisse. Tu rentres dans les supermarchés, les rayons d'alcool et tout. Le haram, il l'agrandisse. Volontairement. Mais normalement, l'islam, c'est une religion vraiment, il apaise beaucoup de choses, il facilite beaucoup de choses à l'être humain. Il autorise beaucoup de choses. L'alcool, des usines et tout. Pourquoi ce travail-là ? Comment le raisin, tu le cueilles et tu le manges ? Usines, des employés, des étiquettes, des publicités. Pourquoi ? Pour rendre halal ce qu'Allah, pour rendre haram halal ce qu'Allah interdit. Tu te rends compte ? Ils s'efforcent, ils font des efforts. Oui ? 3, 4 ans. 4 femmes, il a autorisé. 4 femmes. Il ne faut pas avoir honte quand tu discutes avec un chrétien et tu dis le fait de votre législation te donne l'autorisation de se marier avec 4 femmes. C'est quoi 4 femmes? C'est quoi ça? D'accord? Il ne faut pas. Ils disent Allah l'a décidé, nous on obéit. D'accord? Alors, si on peut se marier avec une seule femme, tu te maries avec une seule. 2, tu peux. Et tu dois être juste envers elle. D'accord? Et en réalité, comme a dit l'un des penseurs, il a dit, finalement, ils sont polygames. Les musulmans, en majorité, sont monogames. La majorité. Ils ont Allah leur a autorisé. Ils peuvent. Mais ils sont monogames. Et eux, dans leur loi de Napoléon, ils sont monogames, mais en vérité, ils sont polygames. Oh là, tu ne trouves pas un couple vraiment sérieux. L'homme, il sort, il va voir une... Celle-là, il a dit... Celle de l'hôtel, telle, celle du bar, telle, celle de... C'est qui est polygame? Moi ou toi? Ils sont polygames dans la vérité. Il est marié avec une seule femme, mais finalement c'est 10 femmes ou 11 femmes. Chaque fois qu'il passe par une ville, il dit je connais celle-là, je connais celle-là, je connais celle-là. Il passe par un quartier, je connais celle-là, je connais celle-là, je connais celle-là. Il a plusieurs femmes dans les faits. Ils se disent... J'ai fini l'exégèse en fait, rapportée par Cheikh Chantébi. C'est l'un des relâmes récents. Hein. Il vient de mourir, ça fait je ne sais pas combien, soit 16 ans ou 20 ans à peu près. C'est-à-dire l'un des relâmes qui sont récents. Je m'arrête là parce que je vais toucher un sujet qui est assez important. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك